Bien, merci. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Alors, je ne vais pas vous mentir, j'étais très surpris d'avoir été invité dans la mesure où effectivement ça ne correspond plus à mon thème de recherche. Mais en même temps, en lisant votre argumentaire, je me suis dit que c'était évidemment indispensable de venir. Donc effectivement, l'intervention que je vous propose aujourd'hui a pour titre déclin économique et maintien des identités portuaires. Donc je vais défendre l'idée d'un, mais au pluriel, hein, vous avez remarqué, l'idée d'identité portuaire malgré J'aurais dû tout. mettre. Mais alors pour un cas qui nous éloigne terriblement de la Méditerranée. Bon, mais peut-être pas tant que ça non plus. Alors, pour aller très vite et pour introduire mon propos, ce qui m'a intéressé dans votre argumentaire, c'est qu'il s'agissait de dimensions portuaires pour une ville, mais en essayant de s'éloigner des deux façons les plus classiques d'envisager la dimension portuaire. C'est-à-dire en s'éloignant de l'approche la plus ancienne, mais la plus classique et la plus documentée également, qui privilégie en fait l'analyse du port sous l'angle de ses fonctions économiques, avec des travaux importants, anciens, mais même plus récents d'ailleurs. C'est un genre qui continue de se développer. Donc, visiblement, ce n'était pas votre propos, et comme ça ne m'avait pas intéressé non plus, c'était parfait. Et puis alors, la deuxième approche, c'était également l'approche qui consiste à voir le port comme une interface. Une interface culturelle, une interface démographique également, plaque tournante de migration, creuset d'un nouvel art de vivre, enfin, donc on connaît les travaux de Pierre-Yves Beaurepaire par exemple, et l'importance de la franc-maçonnerie dans les ports, et c'est vrai, dans les grands ports français, et pas seulement Brest, mais d'autres ports également, on sait que les ports peuvent jouer un rôle d'interface culturelle. Alors c'est un thème important, intéressant, mais ce n'était pas non plus votre propos. D'autant plus que, à mon avis, quand même, avec ce que l'on fait cet après-midi, on a l'occasion d'entrer plus profondément dans ce qui fait toute la richesse de l'analyse de l'identité ou des identités portuaires d'une ville. Autrement dit, son aspect plutôt matériel. On va réfléchir aux entrepôts, aux corderies, aux chantiers navals, à la place, aux dimensions des bassins, à la place que ça peut prendre dans un territoire urbain. On est au cœur de l'analyse de la ville, et la ville n'est plus seulement un décor dans ces conditions-là, en fait. La ville devient aussi un acteur, par son port. Mais ce n'est pas non plus tranché. Il n'est pas du tout évident que le port puisse produire des identités urbaines. Le port peut simplement être replié sur lui-même. On sait que certains ports ou certaines installations sont en dehors des murailles, c'est le cas, ou des quartiers maritimes, même si le terme de quartier est encore plus dangereux que le terme d'identité, bon, on peut quand même parfois l'employer, on sait que parfois c'est en dehors des murailles. Malgré tout, je pense que là, en fait, en se concentrant sur l'analyse des sensibilités et des perceptions, mais également l'analyse spatiale du phénomène portuaire, je pense qu'on peut s'approcher de la définition d'une ville, et plus particulièrement d'une ville qui serait concernée par les identités portuaires. Alors, les organisateurs ont posé trois questions précises. Donc vous les connaissez, mais je vais les rappeler parce que je vais les développer. Et au lieu de trois, moi, j'en proposerai six. Mais j'en propose d'abord trois. Enfin, je recopie hein, ce que j'ai pu entendre. Tout d'abord, vous vous êtes interrogé sur la capacité du port à jouer un rôle dans l'émergence et l'affirmation d'une identité citadine. Ensuite, deuxième question, comment les gens de mer s'insèrent-ils au sein de la population? Donc le reste de la population ou la totalité de la communauté urbaine. Et puis la troisième question, comment les gens de mer sont-ils perçus par le reste des habitants? Les deux dernières questions étant évidemment liées, mais voilà qui nous offre tout un champ de perspectives et je vais essayer de calquer mon discours sur les questions qui étaient posées par les organisateurs. Alors l'éclairage que je vous propose aujourd'hui, cependant, et c'est là où je suis un petit peu gêné, concerne une ville qui se situe dans les Provinces-Unies de cette époque-là. Plus précisément dans la province de Hollande. Alors, le nom de la ville n'apparaît pas tout de suite, mais cette ville apparaît ici, se situe au nord d'Amsterdam, 50-60 km au nord d'Amsterdam. Je vais revenir là-dessus. Autrement dit, une ville qui est positionnée sur une mer intérieure, la Zuiderzee, qui s'appelle aujourd'hui l'IJsselmeer. Parce qu'en fait, on a édifié une digue aujourd'hui qui permet de joindre le nord de la Hollande à la Frise. Mais à cette époque-là, l'espace est ouvert. Et pour les contemporains, c'est considéré comme un port de haute mer. En fait, un port qui est beaucoup plus près de la mer du Nord, d'ailleurs, qu'Amsterdam, de ce point de vue-là. Alors évidemment, il y a plus près encore du grand large, c'est le Texel. Mais Enkhuizen, tel que vous voyez situé ici, finalement, se situe dans l'esprit des contemporains comme un vrai port. Et un port maritime. Pas un port de fond d'estuaire, pas un port fluvial, ni quoi que ce soit. Alors évidemment, la Zuiderzee ne fait qu'un peu plus de 1 000 km², donc ce n'est pas comparable à la Méditerranée, 2,5 millions de kilomètres carrés à peu près. Bon, ça reste quand même une mer qui est un appendice d'autres espaces maritimes plus importants, pas une mer fermée, hein, évidemment. Vous avez d'autre part des liaisons très importantes au sein de cette mer intérieure. Ce qui m'a intéressé également et ce qui m'a semblé aller de pair avec d'autres cas méditerranéens, c'est le développement fulgurant de la ville. Nous avons une ville, je vous montrerai des cartes, mais qui se développe brutalement et de façon spectaculaire à partir de la seconde moitié du XVIe siècle. Alors d'un point de vue économique, mais également d'un point de vue spatial. D'un point de vue économique, ce que je pourrais vous montrer, ça c'est une autre carte, mais une carte d'époque qui peut être intéressante. Je pourrais vous indiquer par exemple que malgré le site qui est contraignant, où l'on voit donc cette cité d'Enkhuizen qui est située tout au bout d'un polder, mais qui est quand même a priori difficile d'accès puisqu'on a un certain nombre de bancs de sable et des bancs de sable qui ont tendance à se déplacer, qui se trouvent au large. Il y en a un certain nombre. De Pumper qui est juste devant est peut-être le plus dangereux, même si ce n'est pas le plus étendu. En fait, Enkhuizer Zand, le sable d'Enkhuizen littéralement se trouve là. C'est plus imposant, mais par contre, pour atteindre la ville, ça paraît plus compliqué. Et malgré toutes ces contraintes, la ville a connu un développement fulgurant. Il se trouve que c'est une ville qui se distingue comme étant, jusqu'aux années 1670, le premier port haranguier des Provinces-Unies. Et ensuite, le port sera déclassé. Mais je crois que j'ai une carte des ports haranguiers un peu plus loin. Voilà. Évidemment, Enkhuizen profite de sa situation de quasi seul port haranguier important de Hollande du Nord, mais par rapport à tous les autres qui sont situés dans le Zuiderkwartier, le quartier du sud, littéralement, Enkhuizen dispose d'une prééminence pendant assez longtemps, même au cœur encore du XVIIIe siècle. Les harengs qui sont pêchés au large et qui sont ensuite amenés à Enkhuizen, puis traités, ils ont déjà été encaqués, mais ils peuvent être ensuite reconditionnés, sont consommés sur place, mais aussi le plus souvent réexportés en Allemagne du Nord. Enfin, je dis l'Allemagne du Nord pour aller plus vite, mais surtout Hambourg, Dantzig, etc. Mais il faut penser à Hambourg en particulier. C'est un très grand marché pour la ville d'Enkhuizen. Bon, autrement dit, c'est une ville qui est dotée d'un site remarquable, contraignant, mais aussi intéressant, remarquable. C'est une ville qui connaît une croissance très forte d'un point de vue économique. Je ne vous donne pas de chiffres de navires, hein, mais on pourra revenir là-dessus. Et qui va aussi connaître des transformations spatiales importantes. Et cependant, il se trouve que c'est une ville qui connaît de très grandes difficultés très peu de temps après sa prospérité. En fait, sa prospérité est courte. Donc, je vous ai dit, grand développement dans la seconde moitié du XVIe siècle. Dès les années 1670, on voit le retournement de situation. Le retournement de situation, je vous en parle là parce que ce retournement concerne les activités maritimes, mais pas toutes les activités maritimes. Ce retournement concerne la pêche, bon, surtout la pêche du hareng. Il y aura une activité de pêche de la baleine au 18e, mais ça ne prendra jamais le relais. Et cela concerne aussi le commerce européen. Le commerce européen. Par contre, le grand commerce asiatique se maintient. Et ça va être important dans ce qu'on va dire tout à l'heure, dans l'équilibre au sein du groupe des gens de mer et également dans les installations portuaires. On n'a pas les mêmes localisations au sein de la ville. La Compagnie des Indes orientales, la VOC, a une chambre à Enkhuizen depuis 1602, dès la fondation de la compagnie, cette grande compagnie des Indes orientales, qui n'est pas n'importe quelle compagnie parce que c'est une compagnie qui dispose d'une flotte de guerre, qui dispose de soldats, qui dispose de bureaux, qui est totalement en situation de monopole à l'est du Cap, d'Afrique du Sud, et qui a en plus des fonctions régaliennes importantes. Autrement dit, avoir une chambre de la Compagnie des Indes orientales, ça signifie des marins, des soldats, des chantiers navals également. C'est plus qu'une simple un consortium de marchands, en fait. C'est beaucoup plus que ça. C'est important parce que ça peut poser des problèmes en ce qui nous concerne, dans la mesure où, du coup, les archives sont plutôt éclatées. Nous n'avons pas d'archives qui sont concentrées, nous n'avons pas d'inscriptions maritimes. Nous sommes dans les Provinces-Unies des XVIIe et XVIIIe siècles. Autrement dit, une confédération républicaine avec des provinces largement indépendantes. La VOC dispose d'un certain nombre de chambres. Celle d'Enkhuizen possède ses propres archives, ses propres chantiers, ses propres rôles d'inscription sur ses navires. Il y a par ailleurs une sorte de collège de la grande pêche qui, par exemple, accueille des représentants des villes que j'ai pu vous indiquer ici, mais pas toutes, pas Vlaardingen et pas Maasluis. Donc ces représentants s'occupent de la pêche du hareng. Ils siègent à La Haye, mais ils ont leurs propres archives. C'est considéré comme une institution fédérale, mais pour autant, ce n'est pas comme un ministère ou ce n'est pas un secrétariat d'État à la mode monarchie absolue française. Donc vous avez une très grande dispersion des archives. Et évidemment, je dois vous parler des archives municipales, parce qu'il y a Enkhuizen, comme partout, dans toutes les villes de la province de Hollande et comme dans quasiment toutes les villes des Provinces-Unies, un conseil urbain qui prend des décisions importantes. 20 membres dans ce conseil urbain, 4 bourgmestres, et ces gens-là légifèrent sur les activités économiques, mais également sur la voirie, sur les travaux à opérer. Également, ils ont un pouvoir de justice, ils s'occupent de l'ordre public, et ils ont également des relations, ils peuvent établir des relations directement avec d'autres villes sur toute la façade de la mer intérieure. Donc, important, intéressant, on aura peut-être du mal quand même à saisir les gens de mer. On n'a pas l'inscription maritime, on n'a pas les registres, on n'a pas les sources habituelles. Bon, moyennant quoi, la décentralisation que j'essaye de vous peindre là très rapidement peut avoir son intérêt. Parce qu'on peut avoir une gestion au plus près de l'identité portuaire, ou des identités portuaires. En tout cas, on peut avoir une perception par un pouvoir qui n'est pas lointain, parce que l'hôtel de ville se trouve à... Aujourd'hui, si vous traversez la ville, vous verrez, la vieille ville en elle-même fait peut-être un kilomètre d'est en ouest. L'hôtel de ville se trouve peut-être à 100 ou 150 mètres des premières d'Ars, en fait. Voilà, donc ça peut être intéressant pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Alors, je vous avais promis des questions. Bon, ça, c'est la baisse des quantités pêchées hein, par les villes du quartier du Nord, mais surtout Enkhuizen. On voit cette baisse des quantités pêchées, des quantités de hareng, qui résistent hein, malgré tout. La baisse n'est pas uniforme, mais au XVIIIe siècle, c'est le cas. Après, en particulier, les grandes opérations menées par les corsaires français en 1703, qui ont incendié la moitié de la flotte haranguière. Alors après, c'est quasiment fini. Vous voyez d'ailleurs assez bien. On voit le nombre de bateaux de pêche qui baisse. Bon, et c'est pas seulement pour Enkhuizen, c'est pour la Hollande. Donc, je vais me concentrer maintenant sur 6 questions, en essayant de coller au plus près aux interrogations des organisateurs. Ma première question est la suivante. J'aimerais bien savoir si la décrue démographique à partir des années 1670, et je vais vous donner quelques éléments hein, pour cette décrue démographique, si la décrue démographique est principalement le fait de la disparition ou du départ des habitants concernés par les activités portuaires. Alors, je dois vous donner des points de repère naturellement sur la décrue démographique. La ville d'Enkhuizen, on n'a pas vraiment de recensement, mais les auteurs qui ont beaucoup travaillé là-dessus peuvent nous donner des chiffres précis malgré tout. Comptait un peu plus de 7700 habitants en 1565, au moment où ça démarre. Nous obtenons un maximum de près de 22 000 habitants en 1622. J'arrondis les chiffres. Hein. Donc, pas tout à fait multiplié par 3, mais pas loin, en un peu plus d'un demi-siècle. Puis, 10 400 en 1732. Et au moment de l'invasion française en 1795, on est passé en dessous de 7 000. Autrement dit, on a une courbe démographique qui a évolué très rapidement. Et on a l'impression d'un yo-yo comme ça. On a retrouvé en 1795, on est même en dessous du niveau de 1565. Après, un apogée démographique en 1622, mais qui doit durer jusqu'en 1640-1650. Bon, en l'absence de chiffres précis, je ne peux pas vous le certifier, mais cet apogée démographique n'est pas limité à l'année 1622. Alors, mon problème, c'est donc la responsabilité ou la part prise par les gens de mer. Je vais employer le terme qu'emploie très souvent à la Cabantous, et puis d'autres auteurs également, pour désigner ces gens qui ont quelque chose à faire avec les activités maritimes. Mais attention, ça peut être aussi les tonneliers, les charpentiers de marine, les fabricants de voiles ou les fabricants de filets de pêche, naturellement pour notre cité où l'on pêche beaucoup le hareng. Il se trouve que, visiblement, l'érosion du groupe des gens de mer n'est pas définitive ni linéaire. Visiblement, au début du XVIIIe siècle, on aurait encore 20% de la population de la ville qui serait occupée avec la navigation, d'une façon ou d'une autre. Alors, vous savez très bien que tous ceux qui grimpent sur un navire ne sont pas forcément des matelots. Bon, c'est le cas pour la pêche, hein, évidemment, pour la pêche du hareng. Mais attention, le véritable basculement se produit à partir de 1670. Il ne se repère vraiment qu'à partir de 1720, en fait. Les seuls moments où il y a un répit, c'est au moment des grandes périodes d'armement naval, en particulier la guerre de succession d'Espagne, mais qui se poursuit dans Baltique par la guerre du Nord, où là on a de très grands rassemblements d'hommes, mais qui peuvent être des soldats et beaucoup d'étrangers, pour les flottes, allez, entre 1703 et 1720. Si je regarde d'autres éléments, je me rends compte de toute façon qu'il y a de toute évidence une érosion du groupe des gens de mer. Alors, je me suis basé sur les registres de mariage des catholiques. Les catholiques sont très minoritaires dans cette ville-là, mais ce sont les éléments les plus pauvres, ceux qui viennent de la campagne, des campagnes environnantes. La ville est un grand bastion réformé ou calviniste. Mais beaucoup de pauvres et de catholiques en particulier, venus des campagnes, viennent s'installer dans la ville. Les femmes comme servantes, les hommes sur les chantiers navals ou alors sur les bateaux haranguer. Pas forcément matelots, mais bon, peu importe où ils apprendront. Enfin, c'est compliqué à partir d'un certain âge, mais on peut les trouver parmi les gens de mer, c'est tout à fait possible. Il y a les luthériens, évidemment, qui viennent de Scandinavie et d'Allemagne, mais ceux-là sont plus difficiles à saisir parce que soit ils se marient pas, ils le sont déjà, soit ils n'ont pas envie de se marier, soit ils sont itinérants, donc on n'arrivera pas à les trouver. Si je regarde quand même la ventilation des mariages chez les catholiques d'Enkhuizen, ils sont pas très nombreux. Je vous ai mis en fait dans la deuxième colonne, partant de la gauche, le nombre d'unions et par décennie, donc c'est pas beaucoup. Et j'ai quand même essayé de regarder le premier mois, le premier mois, c'est-à-dire en termes d'unions. Là, on pouvait les trouver, essayer de voir s'il y avait des saisons plus propices que d'autres en fait aux unions matrimoniales. Je vois qu'il y a quand même un certain basculement, il y a un certain étalement. Visiblement, il y a des mois qui sont beaucoup moins propices qu'auparavant. On voit quand même une moindre importance de la saison morte pour ces mariages-là. Et il y a une multiplication, plus on va vers la fin du tableau, justement, une multiplication pour les deuxièmes ou pour les troisièmes mois, de mois qui vont être classés au même niveau, 4 ou 5, une sorte de dilution, en fait. Visiblement, il y a de plus en plus, et ça se voit aussi pour les conceptions des enfants légitimes et aussi illégitimes, et ça peut compter pour les gens de mer, on voit de plus en plus en fait une moindre prégnance des rythmes de la navigation maritime ou de la pêche sur les naissances ou les mariages. Alors, ça n'est qu'un indice, mais ça m'a semblé être un indice intéressant. Je sais bien qu'il peut être critiqué pour plusieurs raisons. Bon, malgré tout, ça me semblait important. Si je regarde d'autres éléments, par exemple les rôles des navires de l'amirauté de Frise occidentale et ceux de la Voque. Alors, les listes peuvent parfois être les mêmes. Le commerce est interrompu, on va du côté de l'armement naval, pourquoi pas. Il se trouve qu'en fait, j'ai très clairement, mais ça c'est général pour la Hollande, hein, j'ai très clairement une baisse du nombre des gens de mer d'Enkhuizen inscrits sur ces rôles-là. Et ils sont de plus en plus, au fur et à mesure qu'on avance dans le XVIIIe siècle, cantonnés à des rôles d'encadrement ou de spécialistes. Ce sera le charpentier du bord, ce sera l'écrivain, le médecin, le barbier. Et puis sinon, vous trouverez les officiers. Voilà. Mais vous trouverez de moins en moins de matelots. Les matelots seront des Scandinaves ou des gens encore plus pauvres venant des campagnes, mais pas d'Enkhuizen et pas des grandes villes de Hollande. Alors ça, c'est un phénomène assez général, hein. Nous savons aussi que, de toute façon, il y a de plus en plus de problèmes pour constituer les équipages des flottes haranguères. Il y a des plaintes qui sont adressées par soit le commandant de l'escorte qui escorte les navires au moment du départ à la campagne, hein, c'est-à-dire en général c'est à la fin du mois de juin, le 24 juin, on dit souvent le 24 juin pour la Saint-Jean, mais pas forcément, jusqu'à fin novembre, début décembre. Très souvent, le commandant de l'escorte se plaint, dit, et c'est par exemple le cas à l'été 1696, j'ai un tiers des Beuys, enfin des bateaux de pêche du hareng qui partent, qui n'ont pas d'équipage complet. Et il adresse ce courrier aux bourgmestres en leur disant, ça me pose problème parce que je sais très bien comment ça va se passer, j'ai l'expérience. Dans quelques semaines, il y en a un ou deux qui vont se blesser avec les hameçons, etc. Enfin voilà, il va falloir les rapatrier et je vais devoir soustraire des hommes de mon équipage pour compléter les navires harangués. Donc vous avez des signes comme ça qui peuvent être multiples et qui nous indiquent qu'a priori, effectivement, le décroît démographique n'est pas dû uniquement aux gens de mer, mais très clairement, c'est une part importante. C'est une part importante. Alors, deuxième question, je vous ai parlé de la prépondérance du grand commerce asiatique. Alors, c'est une prépondérance qui est à la fois, enfin, c'est un impact qui est absolu, mais qui est également relatif. Je me demande en fait si cette grande prépondérance, à travers la Compagnie des Indes orientales, la VOC, hein, a eu des conséquences notables sur la perception de la zone portuaire dans la ville. Alors, pour vous expliquer cela, je suis obligé de vous présenter rapidement, sauf que la carte est vraiment pas bonne du tout. Peut-être que voilà, ça sera plus facile avec cette carte-là de 1743. Donc, on reviendra sur les extensions de la ville, hein, pour répondre à une autre question. Sur cette carte-là, en fait, ce que j'ai entouré, c'est la Zuiderkerk. C'est ce qui fait figure un petit peu de centre du quartier le plus... Enfin, là où se concentrent et dans les rues adjacentes les habitants les plus riches, a priori, d'après les impôts et puis d'après également les taxes qui sont payées au moment des mariages ou des sépultures. Il se trouve que, je vais vous les montrer rapidement, nous avons des bassins qui sont importants. La ville est orientée donc côté nord. Nous avons une ville qui est entourée sur trois côtés par la mer, enfin le Zuiderzee, je vais dire la mer. Ici se trouvent les installations réservées plutôt aux flottilles de pêche et ici à la VOC. Et je suis obligé de vous parler de ça parce que, évidemment, je vais chercher à savoir ce qui se passe du côté des emprises portuaires différenciées. Celle qui subit le moins de recul, c'est l'emprise portuaire qui se trouve au nord-est ou à l'est, c'est-à-dire l'emprise portuaire occupée par la VOC, où je trouve une maison de la Compagnie des Indes Orientales, un chantier naval, des entrepôts, il y en a même un qui a été transformé en musée, etc. aujourd'hui. Et je sais aussi, et c'est pour ça que j'ai tenu à entourer justement la Zuiderkerk, je sais aussi que les habitants les plus riches continuent d'habiter autour de cette église et dans les rues adjacentes. Il y a un certain nombre de rues qui apparaissent. Ils n'ont donc pas délaissé ce quartier si proche de l'endroit où il y a encore beaucoup de marins. Ce sont les marins souvent luthériens, d'origine allemande ou scandinave, qui s'embarquent pour l'Asie. Ils peuvent être aussi soldats, hein, ou administrateurs évidemment. Si je regarde d'autres documents, je peux par exemple m'intéresser au trajet du cortège suivi par Guillaume III d'Orange en 1683. Guillaume III d'Orange, qui est déjà Statthalder, mais qui n'est pas roi d'Angleterre encore. Il débarque au port, donc on voit que l'importance du port n'a pas encore changé, n'est pas venu par la voie de terre. Hein. Ensuite, il se rend à l'hôtel de ville, il va passer un petit peu au nord de la Zuiderkerk, s'arrêter à la Westerkerk, qui est au départ l'église la plus importante. Elle n'est plus vraiment à l'ouest, elle est au centre parce que la ville s'est développée. Et en tout cas, je vois qu'il y a la reconnaissance du port, enfin de l'entrée traditionnelle du port, et on a délaissé la maison de la VOC, on a délaissé la partie orientale. Quand je regarde, je vais un peu plus loin, tant pis pour ces schémas-là, quand je regarde ce qui se passe près d'un siècle plus tard, pour le trajet suivi par Guillaume V, lointain ancêtre, mais par voie collatérale de Guillaume III, Guillaume V, lors de sa visite de la ville, c'est toujours la même ville, mais c'est en 1773, nous sommes 90 ans plus tard. En fait, il se trouve que l'arrivée se fait par une porte située à l'ouest, et c'est la coup-porte, la porte des vaches, littéralement. C'est-à-dire que nous sommes par une entrée terrestre, on va traverser toute la ville, passer au large de la Westerkerk, vous voyez, on s'arrête à l'hôtel de ville, c'est le point numéro 2, et on finit à la chambre de la VOC, à la maison. Visiblement, c'est devenu important. D'ailleurs, dans les sources édilitaires que l'on peut consulter, on se rend compte que c'est le magistrat urbain qui insiste pour que venez visiter notre maison de la VOC, elle est magnifique, vous verrez les plafonds, etc. On a un chantier naval extraordinaire, enfin voilà. Visiblement, la partie orientale a pris un peu plus d'importance. Et ça va corroborer ce que je vous ai dit également sur l'importance économique des activités du grand commerce avec l'Asie orientale. La pêche du hareng est un petit peu en retrait. Là, par contre, je n'ai pas de documents. Quand on regarde également ce que peuvent nous dire les archives judiciaires, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de soldats et de matelots qui sont montrés du doigt pour des larcins qui n'existaient pas forcément au XVIe et au XVIIe siècle. On va commencer à voler des sacs de poivre, par exemple. On va se réunir dans des auberges qui portent des noms un peu plus exotiques, de Chinais, The Kerk, l'église chinoise, littéralement, de Paperey. Voilà. Bon, enfin, vous voyez, on a des animaux exotiques qui ressortent comme ça dans les archives et on voit un effacement des pêcheurs dans les archives édilitaires et puis dans les archives judiciaires également. Par contre, il y a visiblement le surgissement, en fait, de ce qu'on pourrait peut-être appeler un prolétariat flottant. Je sais que c'est un terme qui a été employé. Visiblement conçu comme plus instable, plus difficile à gérer, générateur de bagarres, de multiples problèmes d'ordre public. Alors justement, quelle est la conséquence sur leur perception par les autres habitants de la ville? Là, j'ai un certain nombre de documents à vous proposer. On verra celui-ci et puis celui-là peut-être pas, mais on verra au moins ce document-là. Donc, le probable déclassement des gens de mer dans la société et l'économie urbaine, sans porter de jugement, c'est un déclassement. Visiblement, ces gens sont moins importants et pèsent beaucoup moins. A-t-il eu des conséquences sur leur perception par les autres habitants de la ville? C'est la question que je voudrais me poser. Sachant que là, j'ai des problèmes de sources. Je vais être prisonnier des sources qui sont plutôt produites par les élites. Et c'est un problème habituel. Bon, mais pas forcément. Alors, nous n'avons pas, au XVIIIe siècle, c'est-à-dire le siècle du déclin, le siècle qui m'intéresse, nous n'avons pas de grandes révoltes. Nous n'avons pas de grands mouvements de masse. Et c'est d'autant plus important de le noter qu'il y en a au XVIIe siècle. En 1652, en 1672-73, nous avons de très grands mouvements populaires à Enkhuizen. Alors, je sais bien que 1652, 72, 73, évidemment, les choses sont couplées avec des conflits militaires qui tournent plutôt mal. Et ça va avec un ressentiment des matelots et des charpentiers de marine qui n'ont plus de travail, qui ne trouvent pas d'embarquement. La guerre tourne mal, que ce soit contre l'Angleterre, contre la France. Enfin, dans tous les cas, on a une situation explosive. Rien de tout ça au XVIIIe siècle, si ce n'est en 1784 un mouvement de charpentiers de marine qui s'en prennent assez violemment à un administrateur de la VOC parce qu'il n'est pas capable de faire construire des navires à cet endroit-là. Mais ça dure quelques heures et puis c'est tout, en fait, c'est presque rien. Donc autrement dit, l'une des réponses à la question, c'est que de toute façon, je crois que les gens de mer, petit à petit, deviennent invisibles aussi. C'est-à-dire ils ne se manifestent plus de la même façon. Je pense qu'il y a un certain affaissement du dynamisme interne de ce groupe-là, en tout cas en termes de revendication d'existence collective dans l'espace public. Il me semble, alors c'est compliqué à noter, hein. Mais, et c'est le document que je voulais vous montrer ici, il y a quand même quelque chose d'assez remarquable et qui va nous amener du côté de la perception de ces gens-là, mais la perception et de l'identité aussi, de la reconstruction. Il se trouve que, j'aurais dû vous le présenter avant de vous le projeter, il se trouve qu'en fait, chaque année, malgré tout, au XVIIIe siècle, on continue d'organiser des cérémonies qui encadrent la campagne de pêche du hareng. On continue de pêcher le hareng, il y a aucun problème là-dessus. Il y a simplement moins de navires, les campagnes sont raccourcies, les allers-retours sont plus fréquents, les bateaux restent moins souvent en mer. Bon. En général, ces fêtes sont organisées fin juin et d'autres fin novembre ou début décembre. La première fête se nomme Buys Bidendar, c'est littéralement le jour de prière pour les Buys. Autrement dit, ce ne sont pas des actions de grâce non plus, hein, mais il s'agit d'essayer d'obtenir les faveurs et de provoquer une pêche intéressante. Et puis, c'est forcément avant le 24 juin. La deuxième fête a lieu fin novembre, début décembre, ça dépend du retour des flottes, il y a plusieurs flottes. Et là, il s'agit plutôt en fait du Buys d'Ancdar. Il s'agit de remercier pour une campagne favorable. Alors, ici, je vous ai indiqué le montant des collectes opérées dans les temples d'Enkhuizen. Il y en a trois. Deux principaux, mais trois pour les fêtes qui nous intéressent, au cours de l'année 1772. Donc, nous sommes déjà bien avancés dans notre déclin. 1772. Ce que j'ai mis en abscisse, ce sont les jours, en fait. Chaque dimanche, de toute façon, il y a des collectes dans les temples. Et ce que j'ai mis en ordonnée, c'est en stuyver. Alors, c'est en florins, mais en fait, j'ai pris la monnaie divisionnaire qui me permettait de tout mettre au niveau de stuyver, parce que sinon, j'ai des florins et des stuyver. Bon, peu importe, hein, de toute façon, vous allez tout de suite remarquer que ce qui est très important, c'est forcément ce qui va se produire ici, là et là. Alors, autrement dit, j'ai une collecte qui a lieu à l'occasion de la hargaison, du début de la pêche. Bon, en juin, et puis ici, pour les remerciements. Bon, visiblement, la campagne n'a pas été très favorable. Et j'ai autre chose ici qui pourrait venir perturber, parce que j'ai parlé de deux cérémonies. Alors là, je vois un pic intéressant. En fait, c'est une commémoration, c'est le bicentenaire du soulèvement contre les Espagnols. 21 mai 1572, 21 mai 1712. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi l'année 1712 comme témoin, en fait. Alors évidemment, ça vient un petit peu perturber, mais ce que je remarque quand même, c'est qu'à chaque fois, et ce sont surtout des bourgeois, et des bourgeois riches, pas des pêcheurs, un peu, mais qui ne donnent pas beaucoup, qui se pressent dans les églises, dans la Zuiderkerk dont je vous ai parlé, dans la Westerkerk, et puis dans une autre aussi, hein, qui à chaque fois n'hésitent pas à donner, peut-être moins ici, mais à donner quand même toujours au moment des offices. On sait que plusieurs offices sont organisés le même jour. On sait aussi que c'est une cérémonie qui est visiblement suivie et pour laquelle même des habitants, qui a priori n'ont plus que très peu d'intérêt dans la pêche, estiment important d'être présents à l'office et de donner. Et c'est ce qui explique les montants importants des collectes. Sur cette année-là, évidemment, la commémoration perturbe tout. Mais ce que j'ai observé sur quasiment toutes les années du XVIIIe siècle, c'est qu'à chaque fois, les montants les plus importants sont effectués pour les deux cérémonies qui encadrent la haranguaison. Alors, autrement dit, l'activité baisse, l'activité diminue, la perception des gens de mer s'atténue, mais il y a toujours un attachement à cette activité-là de la part de la plus grande partie de la communauté urbaine et particulièrement, à mon avis, quand même, de l'élite économique de la ville. Alors, il y a peut-être une modification de l'attitude et du discours du conseil urbain d'Enkhuizen à l'égard de la zone portuaire et des habitants. Peut-être. C'est possible. Ce qui est certain, c'est que pour les observateurs étrangers, le site d'Enkhuizen paraît toujours très remarquable. Si je vous prends quelques citations, Parival nous dit que c'est une ville environnée des deux tiers par la mer. Bon. Boussingo, bon, toutes les références sont disponibles, hein, je peux vous les redonner après, mais Boussingo nous dit « La mer y entroie par deux endroits qui sont deux grands canaux dans la ville. » On a l'impression d'une ville qui est vraiment cernée par la mer et qui est, pourquoi pas, organisée également par l'élément maritime. Jean-Baptiste Christin nous dit, en 1697, première édition, « La hauteur du clocher de la Zuiderkerk, dont je vous parlais, celle qui est la plus proche, hein, de la partie orientale, est remarquable, car à cet endroit, la terre est si basse et si marécageuse qu'on n'aurait pas pu imaginer de construire une église et un clocher aussi haut à cet endroit-là. » Christin a été impressionné par les fondations de ce clocher. Donc ça ne fait absolument aucun doute. Il se trouve que quand je regarde l'attention portée par le conseil urbain aux activités maritimes, pas seulement portuaires, aux activités maritimes, je trouve par exemple ce type de document, alors peu importe, hein, mais qui concerne justement, vous voyez tout en haut, Beschrijving van de Grote Visserij, c'est-à-dire c'est le collège de la grande pêche. C'est le fameux collège qui se réunit à La Haye, où il s'agit de prendre des décisions, par exemple, sur le sel, c'est d'ailleurs le premier point, sur la protection, sur les subsides, sur les taxes qu'on va payer. Chaque année, le conseil urbain consacre toute une séance à donner des instructions aux députés qui vont se présenter à La Haye pour la pêche. Il y a toujours un intérêt qui persiste tout au long du 18e. Et je vous assure qu'en termes de... Il faudrait calculer les mètres linéaires, mais ça prend beaucoup plus de place que les délibérations concernant la VOC, alors que la VOC rassemble beaucoup plus d'argent et concerne beaucoup plus de gens de mer, finalement. Donc on a l'impression d'une dissymétrie comme ça. Si je regarde un peu plus loin maintenant les plans. Alors, 1577, premier plan de la ville. Alors, vu comme ça, ça va être difficile de comparer avec les autres, mais j'ai conservé le plan. Donc je l'ai plutôt après, je lui ai tourné la tête, de façon à ce qu'on puisse comparer 1577, hein, à cette ville de 1649. 1577, vous pouvez considérer qu'on s'arrête ici. Et puis, on n'a pas tout ça non plus. On a des extensions portuaires qui sont importantes. Je peux le remettre rapidement. Mais, et attention, 1649, on verra très peu de changements avec 1743. L'évolution principale a lieu entre 1580 et 1650. Moyennant quoi, vous avez une superficie qui est quasiment multipliée par 3. Et cette superficie doit beaucoup de son extension à la présence des darses, des accès, des canaux, vous en avez un peu partout. C'était un plan, voilà. C'est le plan des différents ports. Si vous regardez c'est le même plan, hein. Simplement il y a des numéros, donc on peut voir différents canaux. Les extensions les plus importantes, en fait, ont eu lieu c'est sans doute un peu après que ça se... Voilà. Ce que j'ai entouré en bleu, c'est-à-dire 6, 7, 8 et 9, là nous nous trouvons du côté de ce qui a pu être creusé entre la fin du 16e et le début du 18e siècle. Ce qui est entouré en rose figure plutôt ce qui a été creusé après. Ici, nous avons je vous rappelle donc les darses qui sont en général les lieux d'accueil des bateaux de pêche. Ici, plutôt la VOC. Les bateaux de commerce se mettaient également ici ou là-haut. Mais dans tous les cas, nous avons une superficie qui a été profondément renouvelée. Et c'est le fait... Je vais y revenir. C'est le fait, évidemment, de l'activité portuaire. Autrement dit, la question que l'on s'oppose est valable. Je peux me demander, par exemple, ce que pense le conseil urbain de toutes ces zones qui ont pu être étendues. Et que va-t-on faire de toutes ces zones-là une fois que le déclin apparaît? Une fois que l'on est passé de cette situation-là à celle-ci, a priori, C'est le plan de 1743. Il est largement trompeur, mais c'est le cas pour beaucoup d'autres plans. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il y ait exactement en 1743 tous les navires qu'on nous montre ici. Hein. Ça m'étonnerait beaucoup du côté des pêcheurs, on en est autant. Du côté de la Vogue, je veux bien, pourquoi pas. Mais c'est toujours très beau de mettre des navires un peu partout. Bon, ça pose problème. Alors, si je regarde ce que décide le Conseil urbain à propos de cet espace, à propos du port. J'ai par exemple des réponses en général positives chaque fois qu'une demande est formulée. En 1705, il y a la guilde des tonneliers qui se plaint des difficultés. Alors évidemment, c'est le début de la guerre de succession d'Espagne et ça pose beaucoup de problèmes. Il y a un secours financier qui est accordé tout de suite. Bon, pour ces chantiers navals qui se trouvent en général, je ne les ai pas forcément tous mentionnés, mais se trouvent en général ici. En fait. C'est là qu'on va les trouver et puis un petit peu au nord également. Il y a moyen de deviner ici. Et puis les tonneliers sont en général pas très très loin. Il y a en général une réponse positive qui est accordée. Si je regarde du côté également, vous imaginez bien de ce qui peut se passer pour les implantations au sud-ouest. C'est-à-dire ces anciens ports, je doute qu'il y ait autant de navires qui soient positionnés en 1743. Il y a beaucoup moins de navires à ranguer. On remarque qu'en 1697, 1731, 1787, 1796, le Conseil urbain a pris la peine de délibérer et a envisagé à chaque fois une reconversion de cette partie sud-occidentale du port. C'est-à-dire qu'on a imaginé, par exemple, y positionner une flotte de guerre. Donc ça donne lieu à une résolution du Conseil urbain qui ensuite transmet ce souhait et cette proposition aux députés, à ces députés des États de Hollande qui ensuite essayent de faire avancer le dossier. Ça n'aboutira pas. Mais il y a cette volonté. Autrement dit, vous n'avez pas, si vous voulez, en fait, le port n'est pas délaissé. Le port fait l'objet d'un examen constant. Et on réfléchit sur le déclin, on intègre le déclin. On se dit, bon, effectivement, il y a moins de navires de pêche, qu'est-ce qu'on pourrait faire là? On pourrait imaginer un port de guerre, par exemple. Ça n'aboutit pas, mais c'est un projet qui est défendu. Et attention, défendu à trois reprises, entre 1697 et 1796. Autrement dit, vous avez une constance dans cette défense, quand même, d'une activité portuaire qui ne serait plus halieutique, mais qui serait militaire. Bon. Ça m'amène évidemment à me poser la question suivante, qui doit être la cinquième ou la sixième, je ne sais plus. C'est la cinquième, bon. J'ai déjà largement débordé, mais bon. Je voudrais bien savoir si, au-delà des projets, au-delà de ce qu'on peut écrire dans le registre des résolutions du Conseil ou les minutes des bourgmestres, je veux bien savoir si concrètement, il y a des projets de travaux et d'urbanisme qui sont lancés à Enkhuizen au profit du port. C'est ça, en fait, qui m'intéresse également. Y a-t-il des réalisations précises? Alors, vous avez bien compris qu'il y avait un héritage important à gérer. C'est la première chose, on n'est pas face à une situation où il n'y a rien du tout. L'héritage est important. Je vous ai mentionné une extension extrême, enfin une série d'extensions remarquables et spectaculaires à partir de la fin du XVIe, mais qui s'arrêtent brutalement, 1650 à peu près. J'ai remarqué un impact spatial du déclin, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Et du coup, j'aimerais bien savoir ce que, en termes de travaux et d'urbanisme concret, hein, le Conseil urbain d'Enkhuizen a pu prévoir. Donc voilà le plan des différents ports avec ce qui n'est pas tout à fait un historique de l'emplacement, mais malgré tout. Et maintenant, j'aimerais vous parler de ce qui va être un projet important. C'est la première direction, c'est l'accès au port, l'accès principal au port. Alors c'est ce que j'ai entouré en rouge, donc c'est le point numéro 2. C'est ce qui est le Rommelhave, où c'est le Beutehave, comme vous voulez, enfin, c'est l'accès principal au port. Vous voyez cet accès qui est très rétréci, où il y a un môle, justement, pour lequel, d'ailleurs, la guilde des navigateurs va se battre pour qu'on installe une lanterne, et ce sera le cas. La lanterne sera installée, et elle brillera toute l'année, ce qui est rare, peut-être pas toutes les nuits non plus, hein, mais enfin, au moins toute l'année, alors qu'en général, on interrompt l'éclairage public pendant l'été. Hein. Donc là, ce ne sera pas le cas. On voit que l'entrée est quand même étroite, et le problème principal, évidemment, c'est l'ensablement. Alors, un ensablement qui, pourtant, n'est pas si évident que ça, parce que comme il y a moins de navires, il y a moins de navires aussi qui déchargent leur lest de sable et qui, en général, contribuent à l'ensablement. C'est un ensablement d'origine naturelle, en fait. Un ensablement d'origine naturelle. Mais il est réel, en fait. Il est réel. Alors, d'autant plus que vous avez un certain nombre de tempêtes, et la tempête de novembre 1775 a aggraver le problème. En novembre 1775, ce n'est qu'une tempête parmi les autres, mais le Zuiderzee est tout sauf pacifique. Vous avez des naufrages en plein Zuiderzee, et donc il y a des bancs de sable qui se déplacent encore plus rapidement. On sait que la tempête de 1775 a posé encore plus de problèmes. Alors, il y a des projets importants d'assèchement et de creusement qui seront plus ou moins réalisés. Mais nous savons que Courtenvaux, par exemple, qui se promène en Hollande du Nord, admirera en fait une machine à draguer. Et il fera un petit dessin d'ailleurs. J'ai vu un exemplaire à la Bibliothèque Sainte-Geneviève. On le voit très bien. Il a réalisé la machine à draguer en fait. Je pense que ça se trouvait à cet endroit-là parce que c'était absolument vital naturellement. Il y a un autre point qui est vital, un peu plus au nord. On a moyen de le repérer ainsi parce que c'est une toute petite entrée en fait, à vrai dire. Mais ça donne quand même accès à des bassins qui sont importants, donc que j'ai indiqué en vert. Et là, nous sommes face à ce qui est appelé le port du Nord, le Nord de Rave, alors, parce que c'est le plus au Nord, mais il n'est pas vraiment tout à fait au Nord non plus. Hein. Et c'est surtout le bassin de transition entre la Zuiderzee et les Darß qui concernent la Vogue. Autrement dit, c'est très sensible pour le coup. Là, c'est très sensible. Autant l'accès précédent donnait, bon, alors c'était plutôt le port des navires à ranguier, vous voyez, 7, 6, 6, 8, bon. Mais là, c'est un peu plus important parce qu'il s'agit quand même de continuer de permettre aux navires de pénétrer. C'est certainement pas par le point numéro 2 qu'ils vont pouvoir pénétrer, hein. C'est plutôt par cet accès direct qui se trouve au nord. On va dire au nord pour aller plus vite. Alors là, vous avez des projets qui sont d'importance plus considérable. Le premier projet, 1720, enfin vraisemblablement élaboré un peu plus tôt, mais là nous avons un projet de 1720 qui prévoit, alors je ne sais pas si je l'ai retourné, non je ne l'ai pas retourné, mais j'ai quand même, je vous ai quand même indiqué, je reviendrai sur la carte, hein, à quel point ça pouvait être un projet important. C'est un projet qui a fait l'objet d'une édition, qui a certainement été soutenue, édité à Inkhuizen en plus, qui a certainement été soutenue par le conseil urbain, parce qu'il s'agit tout simplement d'améliorer, de conserver les ports de la ville, tous les ports de la ville. Intéressant parce qu'on a l'impression que du coup, et regardez le projet, ça ne concerne que l'accès au port du Nord, on a l'impression que du coup, ce qui se trouvait plus au Sud n'est plus du tout concerné. Bon, moyennant quoi, c'est un projet énorme. Ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que, il faudrait que je retourne, hein, évidemment, pour que ce serait plus clair, mais les bassins dont je vous parlais sont là. Il s'agit tout simplement de construire deux murs parallèles, comme ça, qui permettraient une entrée facilitée, bien au nord de tous ces bancs de sable qui peuvent tout perturber, deux murs qui demanderaient au moins dans la première année un demi-million de florins d'investissement. Alors évidemment, c'est ce qui va poser le plus de problèmes. Pour vous donner une première idée quand même et pour pouvoir comparer, l'hôtel de ville d'Enkhuizen a coûté à peu près 80-90 000 florins. Donc la dépense était déjà importante. L'hôtel de ville d'Amsterdam, bon, c'est vrai, un siècle avant, mais 8 millions de florins. C'est beaucoup quand même. L'encaisse métallique de la Wisselbank d'Amsterdam, quelque chose comme 15 ou 16 millions de florins. Mais c'est quand même la Wisselbank d'Amsterdam. Là, un demi-million de florins, ce sera trop. Et en fait, on va écarter l'idée. En 1721, malgré ce projet qui avait l'air d'être tellement séduisant qu'on en avait fait une impression pour que ce soit diffusé. Bon. Sauf que rebelote en 1771, avec un projet qui n'est pas tout à fait le même, mais qui a aussi également reçu le soutien du gouvernement urbain. Là, il s'agit finalement, c'est à peu près quand même la même approche, mais il ne s'agit plus de construire deux murs parallèles, mais plutôt une sorte de digue qui permettrait de protéger les influences venues principalement de la mer du Nord, en fait. Voilà, ce qui ne règle pas les problèmes des autres bancs de sable qui sont situés plus au sud, à vrai dire. Ce projet va aussi être abandonné. De toute façon, à partir de 1771, on commence à avoir de vrais problèmes financiers. Et à partir de 1780, la quatrième guerre anglo-hollandaise menace les ressources de la VOC. Donc dans ces conditions-là, là, ça va vraiment poser problème. Mais c'est pour vous dire que ces projets ne sont pas seulement le fait d'inventeurs, ingénieux ou quoi que ce soit. Il y a eu un soutien par le gouvernement urbain, c'est inscrit dans les registres. Là, je vous donne les plans, mais c'est inscrit dans les registres. Il y a un soutien à l'impression de ces cartes-là, à leur diffusion. Elles sont reprises, etc. etc. Bon, tant pis pour les lanternes. Et puis tant pis, ben justement ça peut être ça par exemple aussi, ça peut être un certain nombre de documents qu'on retrouve assez souvent et où on voit en fait des préoccupations récurrentes à propos de l'ensablement, à propos des aménagements à opérer, etc. etc. Alors dernier point, je me demande si du coup cette préoccupation maintenue pour le port, pour l'activité à Ranguière, même si ça pèse plus beaucoup, et puis pas un certain dédain, mais une certaine indifférence pour la VOC, qui pèse plus lourd. C'est curieux. Est-ce que ça n'est pas, par hasard, relié à la place occupée par le port dans la production littéraire et historique de la ville? Vous voyez? Finalement, cette identité serait surjouée. Elle serait reconstruite à partir d'une sédimentation qui serait opérée par une production littéraire et historique importante. Bon. Donc j'évoque une évolution quantitative et ou qualitative, parce que évidemment on n'a pas encore répondu à la question. Alors, c'est intéressant comme question également dans le contexte des provinces unies, puisque nous avons un pouvoir urbain traditionnellement très fort, et à travers toutes les provinces unies, nous savons, pas seulement la province de Hollande, hein, mais aussi la province de Hollande, nous savons que les gouvernements urbains en général soutiennent les histoires de la ville. Il y en a un certain nombre qui sont rédigés au XVIIe et XVIIIe siècle. Bon, rédiger une histoire de la ville au temps du déclin, c'est pas très étonnant finalement non plus. Il s'agit de montrer à quel point on était fort pour faire oublier la conjoncture déprimée du moment. Mais c'est un peu plus compliqué pour Enkhuizen parce qu'il n'y a pas d'histoire de la ville au XVIIIe. Donc là, c'est la première surprise, il n'y en a pas. L'ouvrage qui marche le plus, qu'on retrouve dans les inventaires après décès, c'est un ouvrage du XVIIe siècle. Et en plus, rédigé par un pasteur de Horn, qui est la ville d'à côté. Et il n'a pas publié sous son propre nom parce qu'il était contre-remontrant. Donc ça n'allait pas, enfin voilà. Il se trouve qu'en fait, remontrant, pardon, les autres sont contre-remontrants. Dans tous les cas, en fait, on n'a pas de production. Là, pour le coup, on s'attendait à ce que le gouvernement urbain fasse un effort et puis pourquoi pas publie une histoire du port, enfin, absolument pas. Là, dans ce domaine-là, absolument pas. Malgré tout, je vois toujours, par exemple, dans le... Ça, c'est un élément de la façade de l'hôtel de ville. Je vois toujours ce blason qui perdure. Alors, on ne le voit pas forcément très bien ici. C'est le hareng couronné, le blason est couronné. On le verra un peu mieux ici, même si c'est un blason du XVIIe siècle. Hein. Mais on voit cette Vierge, d'où le nom de mon enquête d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas du tout la mère de Jésus, hein. C'est la Vierge avec une minuscule. Mais on voit cette Vierge qui tient un écu et les trois harengs couronnés. Figurez-vous qu'on ne voit absolument pas une disparition de cet emblème-là. On a l'impression que le blason est porté avec encore plus de fierté qu'auparavant. Si on revenait vers les plans des villes au XVIIIe siècle, de la ville ou les projets, on reverrait à chaque fois ce blason. Alors même que le hareng pèse de moins en moins. Donc, bon, la Vierge hollandaise, c'est pas nouveau. Mais par contre, la Vierge hollandaise qui tient ce blason avec les trois harengs couronnés, c'est les harengs sont d'or sur fond azur. Et avec la ville à l'arrière-plan, ça c'est important. Même si c'est un blason du XVIIe, on le retrouve au XVIIIe. Et alors, si je regarde la production littéraire, là, ça devient encore plus sensible. J'ai un certain nombre de poèmes, à défaut d'histoire de la ville, hein, mais j'ai un certain nombre de poèmes, un certain nombre de livres, enfin de chants ou d'éloges de la ville qui paraissent au XVIIIe siècle, c'est-à-dire en pleine période de déclin. Alors, j'ai par exemple, sans doute la figure littéraire la plus... Je vais parler d'elle uniquement, mais la figure littéraire la plus importante, c'est une femme qui s'appelle Anna van der Horst. Horst, H-O-R-S-T. C'est la figure littéraire la plus importante de la ville au XVIIIe. Elle est née dans la ville en 1735. Par contre, elle part vivre à Groningue. Mais elle continue d'écrire sur sa ville. Et elle a beaucoup de succès. Parce qu'on la trouve aussi dans les inventaires après décès. Alors, si j'analyse un peu son ouvrage principal, elle rédige en fait un ouvrage, une sorte de... d'ode à sa ville en 1760, l'impression est de 1767, où il s'agit de se livrer un éloge de la ville en plusieurs chants, avec des parties qui sont rimées. Je vois qu'elle ne cesse d'appeler Enkhuizen princesse de la mer. C'est-à-dire que ça devient une figure de style commode pour remplacer le mot d'Enkhuizen. Princesse de la mer, princesse des flots du sud. C'est parce que c'est la Zuiderzee, en fait. C'est pas le sud de la Méditerranée, mais c'est la princesse des flots du sud. Bon, c'est le sud des frisons, hein. Mais ça revient régulièrement. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... c'est même pas une sorte, hein, une réelle assimilation d'Enkhuizen à cette qualité de princesse des flots, princesse de la mer. Alors même que le gabarit des flottes a diminué. Si je m'intéresse à le fameux événement dont je vous avais parlé, la commémoration du soulèvement contre les Espagnols, qui est une émeute urbaine, la bataille du Zuiderzee a lieu un an plus tard. Et c'est beaucoup plus décisif que le soulèvement des bourgeois d'Enkhuizen. Simplement, ils veulent en parler le 21 mai 1772 parce que... voilà. Mais intéressant parce qu'il y a beaucoup de poèmes. Il y a même une pièce de théâtre rédigée à cette occasion-là. Quand j'analyse ce qui se trouve dans les poèmes et dans les pièces, la pièce de théâtre, il n'y en a qu'une, je vois très régulièrement des mentions comme cette ville, la clé de la Frise occidentale, la clé maritime de la Frise occidentale. Je trouve une grande ville haranguière. Alors, ce n'est plus vraiment le cas en 1772, mais bon, une puissante ville maritime. Or, ces poèmes sont lus, reçoivent parfois un soutien pour l'impression de la part du conseil urbain. L'un des auteurs se trouve être le fils d'un bourgmestre. D'autres sont souvent des pasteurs. Hein. J'en ai un qui est un notaire, Bartholink. Il rédige une pièce de théâtre également, enfin, etc. C'est pas très bon, hein, mais enfin, ça compte quand même. Enfin, de toutes les façons, on glorifie la ville, mais à chaque fois, quand on glorifie la ville, on met en avant le caractère maritime de la ville. Et ce qui est très curieux, c'est que par ailleurs, après, on va parler des bourgeois qui s'insurgent contre les Espagnols et les marins ont complètement disparu. Donc on parle de la ville et du port, mais les marins, eux, ont disparu. J'ai l'impression que les marins, pop, voilà. Voilà un port où il n'y a presque plus de marins. Enfin, ils sont là, on sait qu'ils sont encore là, mais ils n'ont pas de place dans la légende officielle. On aurait pu parler de la bataille navale qui a lieu un an plus tard au large dans le Zuiderzee, où il y a des marins d'Enkhuizen. Mais on n'a pas commémoré cette bataille-là. On a préféré commémorer le fait d'armes urbain, mais sans jamais oublier le caractère maritime de la ville. Alors au total, de façon générale, moi il me semble qu'au XVIIIe siècle, à Enkhuizen, on a une reconstruction identitaire, en lien avec le déclin. Bon, ça c'était l'objet principal de mon enquête. Mais pour coller un peu plus au thème du séminaire d'aujourd'hui, il me semble que l'identité portuaire est assez régulièrement intégrée dans les choix édilitaires. Ces choix n'aboutissent que très rarement, à vrai dire, pour des raisons financières la plupart du temps, mais il y a une prise en compte de l'existence d'un port dans cette ville, qui a pourtant tendance à se replier sur elle-même. Il faut savoir que la plus grande partie des fortunes est quand même constituée au XVIIIe siècle d'actions de la VOC, mais de la Chambre d'Amsterdam, hein, pas forcément de la Chambre d'Enkhuizen, ou de placements financiers à droite à gauche. Ces gens-là ne font presque plus de commerce, quelques-uns, mais presque rien. Mais malgré tout, ils tiennent quand même à toujours mettre en avant l'importance maritime de leur ville et ils ne délaissent pas complètement les installations portuaires de leur ville. Alors, ils y habitent moins, c'est vrai, mais ils ne délaissent pas complètement le port de leur ville. Une attention plus soutenue que les autres, évidemment, est portée aux installations de la VOC, tout simplement parce que c'est là où désormais le cœur économique bat dans le port. Mais je ne peux pas dire non plus que les anciens bassins consacrés aux flottes harengières soient complètement délaissés. Ce n'est pas le cas parce qu'on a des projets d'installation d'une flotte militaire. Ça n'aboutit pas, mais on s'y intéresse malgré tout. C'est comme vous voulez, si moi je...